que je veux avec. Pour moi, tip sur les gars qui se calissent d'elle. La la la la la la. Moi, elle trippe sur les gars qui scorlissent d'elle. Mais tant pis pour elle, elle vole de ses propres ailes. Elle trippe sur toi et c'est ta fête pour passer troisième. Puis elle capote sur le gars qui l'appelle aux trois semaines. C'est facile d'être sale, mais plus dur de dire c'est toi que j'aime. Ça fait tout le temps mal, surtout c'est pas une chienne. Puis tu sais en sage que l'autre est de d'elle. Il dit qu'il aime, mais il veut juste s'y faire passer.